je ne suis pas. Tu vois, je t'aime. Je t'aime, perquè quedi clar que t'estimo. Je t'aime, amb aquesta cantant libanesa, nascuda el març del 1986, el 2 de març, la filla del conegut cantant Salwa Katrib. Va ser seleccionada per cantar per al Líban al Festival d'Eurovisió del 2005 a Kiev i va fer doncs, el debut amb aquesta competició al seu país. Era el Líban on va néixer aquesta cantant que ens porta aquestes cançons en el començament del nostre programa. Bona música, bons ritmes, com aquest Man Dance Le Man. Ce beau Doncs tres cançons hem triat d'aquesta excel·lent al meu entendre artista. M'encanta la seva veu. Recordem que el 2005 va rebre o va guanyar el Trofeu Internacional Charles Trenet a França i que després va participar amb l'edició de The Voice, la Plus Velvoix de la televisió francesa. Això va ser el 2014, el mes de gener, quan va impressionar amb els jutges amb aquella audició a cegues que es fa amb una cançó que va interpretar en llengua aràbica del Kedi Maak, una cançó del repertori de la seva mare, la cantant libanesa Salva Al-Katrib, amb els quatre jutges girant les seves cadires amb el show. Després, l'1 de març, amb la banda, amb la batalla inicial, va enfrontar-se a Stacey King de l'equip, precisament d'un artista, que després recordarem amb la Norma, la nostra fem fatal del programa, que ens portarà cançons de Florent Pagny en el dia d'avui. Va ser eliminada després d'enfrontar-se amb aquest tema, Aline va ser eliminada del show. Escoltem una tercera cançó que es deia Tu trouveras. Tot això, tots aquests tres temes, pertanyen a enregistraments seus de l'any 2012. J'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fautes d'impression. Je t'aime un peu brouillon. Malgré les accords malhabiles, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Tu trouveras mes faux pas, mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Il y en a d'autres que t'aimeras, bien plus belle, plus forte que moi. Je leur laisserai bien sur la place quand je n'aurai plus dans mes chansons plus rien à te dire en face. Le temps vous endurcit de tout, des illusions, des mauvais coups. Si je n'ai pas su te retenir, sache qu'il y a dans mes chansons tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses. Maladresses. Et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu me restes. Així hem escoltat al començament del nostre programa la música de Lynn Lahoud, aquesta cantant libanesa que ens ha acompanyat amb aquestes tres cançons que us hem portat al vostre costat, i sempre un plaer magnífic acompanyar-vos a través de Hola la Música. El nostre primer col·laborador amb el programa d'avui és l'Àngel Rodríguez. Com sempre, ell obre les col·laboracions d'aquest espai. I avui ho farà, com no, amb una de les seves cançons predilectes. Molt benvingut, Àngel. Què tal, amics? Si us dic Daniel Bevilacqua, segur que el nom no us sona. En canvi, si us dic Christophe, segur que recordeu aquell cantant que va treure l'èxit anomenat Aline. Aquest gran cantautor va néixer l'any 1945 a prop de París. Avui us el recordo amb un altre dels seus grans èxits, Les Marionettes. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Així hem escoltat la música de Christophe, la col·laboració amb aquest programa d'avui que ens ha portat el nostre bon amic Àngel Rodríguez. Anem a escoltar ara un parell de cançons d'un disc de Julien Doug. Concretament, un disc publicat el 2016. El disc que ens arriba amb peces com aquesta que escoltarem tot seguit. Una cançó anomenada Mon Echo. Oh. Attendez-moi. visage. J'attends de vous l'or et l'orage, il le faut pour m'imaginer nos voyages. Enchanté de vous connaître, mon écho, caressez-moi de promesses et de beaux. Attendez de disparaître s'il le faut. C'est l'océan que je vous laisse. Attendez-moi. Ens aportava aquesta cançó, aquest Money Echo, des de l'àlbum An, que es publicarà temps enrere, aquest 2016, com us comentàvem. Un cantant i compositor, músic i actor francès, guanyador de la cinquena sessió del seu televisiu Nouvelle Star, que va sortir en antena per al canal televisiu M6 a França. És també un descendent de Gustave Doré, un gran il·lustrador del segle XIX. És de l'est de la Occitània. Ens porta aquestes cançons. El seu primer àlbum va ser Ersatz, publicat l'any 2008 a través de Sony BMG, i aquest que escoltem aquest any es va realitzar el 14 d'octubre de 2016. Per tant, estem dins el sector de la música més moderna a l'estat francès. Le Lac. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cils. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Seguim a Olala Music i aquesta és la col·laboració que ens aporta setmanalment el nostre amic Ciril Torres, tot i que em penso que amb la propera sèrie de programes, durant uns quants programes, ens té preparada una sorpresa. Parlarà per poc a d'altre, em penso. Ciril, molt benvingut, què tal estàs? Gràcies, doncs estic fantàstic i encantat d'estar aquí novament i efectivament per col·laborar i per col·laborar tots junts. He de dir que tinc aquí Masuda i que les properes col·laboracions doncs, seran també conjuntament amb en Fabià, que és qui m'ha anat, diguem, assessorant sobre coses que s'estan fent més enllà de, segurament, de les fronteres de França pròpiament dites. I en aquest cas, doncs, m'agradaria, doncs, ja que parlàvem d'estar junts i de treballar conjuntament, anar a l'Àfrica i agafar un tema que ens proposa en Fabià, que ve de l'estil coupé de Calais, que és aquest estil frenètic, ballable, que neix segurament del Soukous en el seu moment i de totes les influències d'Àfrica de l'Oest. Ells són Mokobé i Molaré, que són doncs, produït a França, però a través de França i Costa de Marfil, en aquest cas, i el tema, com us deia, d'estar junts, es diu On el som, estem junts. A coupé la E, ok. Sola se corre, la joie. Sola se corre, hey. Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Y a Toto, Sola se corre. Esteu escoltant Ulala Music. Ulala Music, que han tingut ja les col·laboracions d'en Cyril amb l'ajuda d'en Fabian amb aquest tema, finalment, de Tolosa de Llenguadeu, de Toulouse, i també la de l'Àngel Rodríguez. Ens falta en Hamid, que vindrà més tard, i les pròpies seleccions que us portava jo avui de la cantant libanesa, la Lynn Lahoud, i també d'en Julien Doré, que hem escoltat fa uns moments. Bé, ara és el torn de la nostra musa particular, de la Norma. La Norma és qui ens porta avui una selecció musical també en aquest programa. Ella no parla, només escriu, i ens porta, tal com diu ella, un artista absolutament recomanable, en Florent Pagny. Si no el coneixeu, us el recomana. Té una veu preciosa que la fa volar. És un cantant i actor francès nascut el 6 de novembre del 1961 a Chalon-sur-Saône, a Saône-et-Loire, i que ens ha portat bona música. Ara mateix, la seva edat, però va debutar ja fa moltíssims anys enrere amb aquell Merci, un àlbum amb quatre senzills d'èxit a França, on va ser qualificat com a disc d'or. Això va ser el 1990. Escoltarem una selecció que ens ha portat la Norma. Per al programa d'avui, ma liberté de penser, la meva llibertat de pensar. M'ho podeu prendre tot, però mai em podreu prendre la llibertat de pensar. Quitte à tout prendre, les mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Ha

Una cançó que la nostra recomanadora, la Norma, ens defineix senzillament com brutal. I brutal, la veritat és que ho era. Savoir Mer, aquesta cançó del Lionel Florence al costat de Lionel Florence, al costat de Pascal Obispo, era la que obria l'àlbum. I una altra que ens recomana, la tercera i darrera d'aquest personatge que ens recomana la Norma, és concretament la cançó anomenada Doors, del mateix àlbum, i la segona. Ell vens dir, com us dèiem, a la composició d'aquesta cançó. Escoltem aquest Doors de Florent Pagny. La Music, el programa sobre la música en francès, i una vegada més la col·laboració que tenim a càrrec del nostre bon amic Hamid, que ens porta la col·laboració per aquest programa. Una vegada més diem bienvenue, Hamid, mon ami. Bonjour. Bissau, Nabissau, c'est coopérative de rappeurs du Congo. et ils ont quand même un style bien congolais de la part de la guitare et bien entendu le rap, c'est Bissou na Bissou. Superstar au pays, oui fou nourri au foufou à la fête, le bisou envahit fou. T'en fous du son à fond qu'on brûle le bal. Double S, passive, Benji mystique, arsenic et le Graal. Afro trip, rap, sauce, combo. Frappe des mains sur le bongo, tape de Paris jusqu'à Bakongo. Des trucs bossa nova, soukous à la rescousse. Le groupe qui à l'époque foutait le dawa. Je me rappelle des jumeaux il y a une vingtaine d'années. Avec leurs locks dressés, et pareillement ça fait c'était. Ma passe en place du MA3 pour le bis, on avise du rap 100% afro. Toujours paré prêt pour un show gros synchro. Jekyll, DOC, danser le nom. Bolo. L'histoire de ses frères, les deux balles nickel, ça marquait des générations entières pour la famille du Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, la Bissot. Y'avait Calbo, dans Bissot c'était le grand Wandou. Lacoste et Reo, le dérangeait pas surtout. 100% Congo, Weston, Croco. Fais les coucounes comme Rocco, il laisse croquer les go. Plein de tricks dans les coco, voli Bengele. Arsenic, Nasik, Kabamindele. Je me souviens de son show, il était N'Golo. Très souvent il chassait pour le N'Golo, N'Golo. Facile, mais vraiment, à mon souvenir, toi aussi tu faisais partie de ce groupe-là, non? Ah, la musique là était vraiment bonne. Ah, dommage que tu ne sois plus la même. Donc tu insinues que je ne suis plus belle, ça? Ah, c'est plus comme à l'époque où on s'est connu sur ce fameux zouk. Ah, viens, on va danser maintenant. Allons-y, ma chérie. Son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie du Bissot na Bissot. Parce qu'ils étaient ceux qui pouvaient choper des meufs en eau. Hey. Chacun de ses pas était synonyme de cadeau. Lino, un véritable escroc. Trafic de lingots, trafiquait même les mots à mauvais. Quel mot qu'on aimerait maudire. Et dire aux parents que Bissot c'était pas du Bissot. Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'Altesse, le double S. Et le poisson c'était chaud. Balancez votre côte, tous les décos. Queso, à la vue de la bombe, on se saut. Dans le village, ils traînaient contre ce saut. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, Bissot, comme ça n'existerait pas sans mystère mystique. Faire de lance tacticien pique sur le mythique avec l'accent lac central. L'animal fétiche, grand compagnon du sorcier. Petit mais costaud, la ferme jamais. Toujours une histoire, une fable, à finir raide dans l'hosto, je te jure. Bandit. Il s'appelait Loubaï, au pays dansé le ghetto. Comme Clotaire, il aimait les Bakento. Dans son secteur, c'était le pasteur, sa case est marrant. Pour lui, écoute le coup de clairant. Regarde-le, 1m90, bien rasé, mal propre, toutes les à sacrer les lait. Il aimait être à la inné, brailler sa moustache affinée. Ah, vraiment facile. Ah, vraiment, j'aimerais danser Bissot encore beaucoup. Mais juste dans la dent, on va danser ce Bissot, non? Ah, Bissot, Bissot. Aquesta és la selecció musical que ens ha acompanyat per al dia d'avui a càrrec del bon amic Hamid, que una vegada més ens ha conduït aquesta música. Bissot na Bissot, le rumba avec le rap, c'est le Congo. Doncs des d'aquí ens arribaven, acabem ja el nostre programa perquè estem gairebé fora del nostre temps. Una darrera cançó que ens porta el cantant parisenc Michel Sardou era tot un clàssic, Sur la route de Memphis. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, et la radio me vantait un truc débile qui